Il va falloir que je parle à Margot, que je lui avoue l'événement, ce coup de soleil qui embrase ma vie, car c'en est fait, nous nous aimons, c'en est fait. Et d'ailleurs, j'y suis résolue. J'ai envoyé au diable tous mes souvenirs et regrets, et ma manie, comme je dis, du filigrane sentimental, et mes si, mes car, mais cependant, nous nous voyons à toute heure, il m'entraîne, m'étourdit de sa présence, m'empêche de penser. Il décide, il ordonne presque, et je lui fais, en même temps que l'hommage de ma liberté, celui de mon orgueil, puisque je tolère qu'arrive chez moi une abondance gaspilleuse de fleurs, de fruits de l'été prochain, et que je porte, épinglée à mon cou, une fléchette scintillante, comme fichée dans ma gorge, toute saignante de rubis. Et pourtant, nous ne sommes pas amants. Patient, désormais, Max s'impose et m'impose des fiançailles étrangement déprimantes qui, en moins d'une semaine, nous ont déjà un peu maigris et alanguis. Ce n'est pas vice chez lui, c'est coquetterie d'homme qui veut se faire désirer et me laisser en même temps, aussi longtemps que je voudrais, un fallacieux libre arbitre. Il ne me reste pas grand-chose à souhaiter, d'ailleurs, et je ne tremble à présent que devant cette ardeur ignorée, jaillie de moi au premier contact, toujours sauvagement prête à lui obéir. L'heure qui nous joindra tout à fait, oui, il a raison de la retarder. Je sais à présent tout ce que je vaux et la magnificence du don qu'il recevra. Son espoir le plus exaspéré, je le dépasserai, j'en suis sûre, qu'il grappille un peu son verger, s'il veut. Et il veut souvent. Pour mon plaisir et pour mon inquiétude, le hasard a mis en ce grand garçon d'une beauté simple et symétrique un amant subtil, créé pour la femme, et si divinateur que sa caresse semble penser en même temps que mon désir. Il me fait songer, j'en rougis, aux mots d'une luxurieuse petite camarade de music hall qui me vantait l'habileté d'un nouvel amant. « Ma chère, on ne ferait pas mieux soi-même. » Mais il va falloir que j'avertisse Margot. Pauvre Margot que j'oublie. Quant à Hamon, il a disparu. Il sait tout, grâce à Max, et s'écarte de ma demeure comme un parent discret. Et Brague. Oh, la tête de Brague à notre dernière répétition. Sa plus belle grimace de Pierrot accueillit mon arrivée dans l'automobile de Max, mais il ne dit rien encore. Il témoigna même d'une courtoisie singulière et imméritée, car je fus, ce matin-là, gaffeuse, absente, prompte à rougir et à m'excuser. Enfin, il éclata. « Fous le camp, retourne-y, prends-en ton comptant et ne rapplique ici que quand tu en auras jusque-là. » Plus je riais, plus il fulminait, pareil à un petit diable asiatique. « Rigole, va, rigole, si tu voyais la gueule que t'as. »« Ma gueule ? Elle en veut, elle en demande, ta gueule. Ne lève pas les yeux sur moi, Messaline. »« Vous la voyez ? » criait-il, en prenant à témoin des dieux invisibles. « Elle montre ses calots-là en plein midi, et quand je réclame pour la scène d'amour de la dryade d'en mettre tant et plus et de me mouiller un peu ça, elle vous sort un carafon de première communiante ?»« Est-ce que ça se voit vraiment ?» demandai-je à Max qui me ramenait chez moi. Le miroir, le même qui refléta l'autre soir ma glorieuse figure de défaite, encadre un visage effilé, au sourire défiant de renard aimable. Je ne sais quelle flamme pourtant y passe et repasse, le fardon, si je puis dire, d'une jeunesse harassée. J'avouerai donc tout à Margot, ma rechute, mon bonheur, le nom de celui que j'aime. Il m'en coûte. Margot n'est pas la femme du « je te l'avais bien dit », mais je crois que je vais, sans qu'elle le manifeste, la trister, la décevoir. Chatte échaudée, tu retourneras à la chaudière. Certes, j'y retourne, et de quel cœur. Je trouve Margot immuablement pareille à elle-même, dans le grand atelier où elle dort, se nourrit et élève ses chiens brabançons. Grande, droite, en blouse moscovite et longue veste noire, elle penche sa pâle figure aux joues romaines, ses rudes cheveux gris coupés au-dessous de l'oreille, sur un panier où remue un petit avorton jaune, un minuscule chien en chemise de flanelle qui lève vers elle un front bossué de bonze, de beaux yeux implorants d'écureuil. Autour de moi, jappe et frétille, six bestioles effrontées, qu'un claquement de fouet précipite dans leur niche de paille. « Comment, Margot, encore un brabançon? C'est de la passion !»« Oh, Dieu, non !» dit Margot qui s'assit en face de moi, berçant sur ses genoux la bête malade. « Je ne l'aime pas, cette pauvrette-là. »« On vous l'a donnée ?»« Non, je l'ai achetée, naturellement. Ça m'apprendra à ne plus passer devant le marchand de chiens, cette vieille fripouille d'Hartmann. Si tu avais vu cette brabançonne dans la vitrine, avec sa petite figure de rat malade, et cette épine dorsale en chapelet saillant, et surtout, ses yeux. Il n'y a plus guère qu'une chose qui me touche, tu sais, c'est le regard d'un chien à vendre. Alors je l'ai acheté. Elle est à moitié claquée d'entérite, ça ne se voit jamais chez le marchand, on les dope au cacodylate. Dis-moi, mon enfant, il y a bien longtemps que je ne t'ai vu. Tu travailles ? Oui, Margot, je répète. Ça se voit, tu es fatiguée. Elle me prend le menton de son geste familier pour renverser et attirer mon visage. Troublée, je ferme les yeux. « Oui, tu es fatiguée. Tu as vieilli, » dit-elle d'un ton de voix profond. « Vieilli ? Oh, Margot !» Tout mon secret m'échappe dans ce cri de douleur, avec un flot de larmes. Je me réfugie contre ma sévère amie, qui me caresse l'épaule avec le « pauvre petit » dont elle rassurait tout à l'heure la brabançonne malade. « Allons, allons, pauvre petit, allons, ça va passer. Tiens, voilà de l'eau bourriquée pour laver tes yeux. Je venais juste d'en faire pour les yeux de Mirette. Pas avec ton mouchoir, prends du coton hydrophile. Là, pauvre petit, tu as donc bien besoin de ta beauté en ce moment-ci ? Oh oui. Oh Margot. Oh Margot. « Dirait-on pas que je t'ai battue ? Regarde-moi. Tu m'en veux beaucoup, pauvre petit ?»« Non, Margot. »« Tu sais bien, » poursuit-elle de sa voix égale et douce, « que tu dois trouver chez moi toute espèce de secours, même le plus cuisant de tous. La vérité ? Qu'est-ce que je t'ai dit ? Je t'ai dit, tu as vieilli. »« Oui. »« Oh, Margot. »« Allons, ne recommence pas. Mais tu as vieilli cette semaine. Tu as vieilli aujourd'hui. » Demain, ou dans une heure, tu auras 5 ans de moins, 10 ans de moins. Si tu étais venu hier, ou demain, je t'aurais dit sans doute, « Tiens, tu as rajeuni. » Songez donc, Margot, j'ai bientôt 34 ans. Plains-toi, j'en ai 52. Ce n'est pas la même chose, Margot. J'ai tant besoin d'être jolie, d'être jeune, d'être heureuse. Tu as un amant ? Sa voix est toujours douce. Mais l'expression de son visage a changé légèrement. Je n'ai pas d'amant, Margot. Seulement, il est hors de doute que je vais en avoir un. Mais je l'aime, vous savez. Cette manière de niaise excuse égaie Margot. Ah, tu l'aimes ? Lui aussi t'aime ? Oh ! D'un geste orgueilleux, je garantis mon ami du moindre soupçon. C'est bien. Et quel âge a-t-il ? Juste mon âge, Margot, tout près de 34 ans. C'est bien. Je ne trouve plus rien à ajouter. Je suis affreusement gênée. J'espérais, le premier embarras passé, bavarder ma joie, raconter tout de mon ami, la couleur de ses yeux, la forme de ses mains, sa bonté, son honnêteté. Il est très gentil, vous savez, Margot, risquai-je timidement. Tant mieux, mon enfant. Vous avez des projets, tous les deux ? Des projets ? Non, nous n'avons encore pensé à rien, on a le temps. C'est juste, on a bien le temps. Et la tournée, qu'est-ce qu'elle devient dans tout ça ? Ma tournée, eh bien, ça n'y change rien. Tu emmènes ton individu ? Je ne puis, toute humide de larmes, m'empêcher de rire. Margot désigne mon amie avec une discrétion dégoûtée, comme si elle parlait de quelque chose de sale. Je l'emmène, c'est-à-dire, à la vérité, Margot, je n'en sais rien. Je verrai. Ma belle-sœur hausse les sourcils. Tu n'en sais rien. Tu n'as pas de projet. Tu verras. Vous êtes étonnant, ma parole. À quoi pensez-vous donc ? Vous n'avez pourtant que ça à faire, projeter, préparer votre avenir. » L'avenir ? Oh, Margot, je ne l'aime pas. Préparer l'avenir, il se prépare bien tout seul, et il arrive si vite. Est-il question d'un mariage ou d'un collage ? Je ne réponds pas tout de suite, gênée, pour la première fois par le vocabulaire assez cru de la chaste Margot. Il n'est question de rien, on fait connaissance, tous les deux, on s'apprend. Margot m'observe, la bouche pincée avec une cruelle gaieté dans ses petits yeux lumineux. On s'apprend, je vois, c'est la période où l'on parade l'un pour l'autre, hein? Je vous assure, Margot, nous ne paradons guère, dis-je en me forçant à sourire. Ce jeu-là est bon pour de tout jeunes amants et nous ne sommes plus, lui ni moi, de tout jeunes amants. Raison de plus, réplique Margot, impitoyable. Vous avez plus de choses à vous cacher. Ma petite, ajouta-t-elle doucement, tu sais bien qu'il faut rire de ma manie. Le mariage m'apparaît comme une chose si monstrueuse. T'ai-je assez fait rire en te racontant que, dès mes premiers jours de ménage, j'ai refusé de faire chambre commune avec mon mari parce que je trouvais immoral de vivre aussi près d'un jeune homme étranger à ma famille. Cette naissance, que veux-tu? Je ne me corrigerai pas. Tu ne m'as pas amené fossette aujourd'hui? Je fais, comme Margot, effort pour m'égayer. Non, Margot, votre meute lui a fait un si mauvais accueil la dernière fois. C'est vrai, elle n'est pas brillante, ma meute, en ce moment. Venez, les éclopés. Elles ne se le font pas dire deux fois. D'une rangée de niches surgissent, petits troupeaux grelottants et misérables, une demi-douzaine de chiens dont le plus gros tiendrait dans un fond de chapeau. Je connais presque tout ceci, sauvé par Margot du marchand de chiens, arraché à ce commerce imbécile et malfaisant qui parque en vitrine des bêtes malades, gavées ou affamées, alcoolisées. Quelques-unes sont redevenues, chez elles, des animaux sains, gais, robustes. Mais d'autres gardent à jamais l'estomac détraqué, la peau d'arthreuse, une hystérie indélébile. Margot les soigne de son mieux, découragée de penser que sa charité ne sert à rien et qu'il y aura éternellement des chiens de luxe à vendre. La chienne malade s'est endormie. Je ne trouve rien à dire. Je regarde la grande chambre qui a toujours l'air un peu d'une infirmerie, avec ses fenêtres sans rideaux. Sur une table s'alignent des flacons de pharmacie, des bandes roulées, un thermomètre minuscule, une toute petite poire en caoutchouc pour les lavements des chiens. Ça sent la teinture d'iode et le crésil jail. J'ai brusquement envie de m'en aller, de retrouver tout de suite, ma case étroite et chaude, le divan creusé, les fleurs, l'ami que j'aime. Adieu, Margot, je m'en vais. Va, mon enfant. Vous ne m'en voulez pas trop ? De quoi donc ? D'être si folle, ridicule, amoureuse, enfin. Je m'étais tellement promis. T'en vouloir ? Pauvre petit, ce serait bien méchant. Un nouvel amour, tu ne dois pas être à la noce. Pauvre petit. J'ai hâte de revenir chez moi. Je me sens gelée, contractée et si triste. C'est égal. Ouf, c'est fait, j'ai tout dit à Margot. J'ai reçu la douche que j'attendais. Et je cours me sécher, m'ébrouer, m'épanouir à la flamme. Ma voilette, baissée, cache les traces de mon chagrin, et je cours vers lui.